Ah. Moi je te dis Tintin en réponse. Ouais, c'est moi là. Bon, t'es où là? Bon, alors c'est quoi? C'est... Quoi? Oh, t'as mangé du clown ce matin, toi, non? Ah, ah ouais? Ah, c'est comme ça. T'inquiète pas, on se reverra. C'est fou comme le temps craint, le ciel s'est assombri. Nos âmes sont empreintes de tristesse, l'amour se t'enfuit. Pas, mais je subis du plomb dans mon esprit, je m'en tape. Je donnerai tout pour sortir d'ici. On se reverra, c'est tout vu. Notre nom base sur ta liste au chapitre des malvenus. Un matin hivernal ou un soir de carnaval, je ferai carnage dans ta vie, d'amont jusqu'à mon aval. On se reverra dans cette vie ou une autre. Peut-être un enfer d'avoir trop péché en quelque sorte. Nos chemins se croiseront de nouveau. J'espère que d'ici là, t'auras pris du niveau. Les miens savent de quoi je parle. Depuis tant que tout ce mal me ronge et s'installe. Dans mon âme, la conscience s'efface, mon cœur se glace. L'empathie disparaît sans laisser de traces. J'suis pas le genre à me morfondre, faut pas tout confondre. J'suis dans mon élément quand la colère gronde. J'suis de ce qu'on nomme un écorché vif. Mes décisions sur le vif avec un hip-hop instinctif. Me parle pas de crew, m'en parler cru. Tranche comme un glaive précieux sorti de l'écrin. Tu sais ce qu'on dit, y'a que les montagnes. Et si tu veux, oublie, moi j'cultive ma hargne. On se reverra, c'est tout vu. Note mon blaze sur ta liste au chapitre des malvenus. Un matin hivernal ou un soir de carnaval. Je ferai carnage dans ta vie, d'amont jusqu'à mon aval. C'est fou comme le temps craint, le ciel s'est assombri. Nos âmes sont empreintes de tristesse, l'amour se t'enfuit. Pas, mais je subis du plomb dans mon esprit, je m'en tape. Je donnerai tout pour sortir d'ici. J'ai jamais rien raflé de ma vie, ça je te l'avoue. Les tourments m'ont submergé, me soufflant. Je reverrai un de ces jours, bouille vos façades fourbes. Je cours plutôt, fais du plaisir, je resterai debout. Si vous saviez, mais j'aimerais changer la face du monde. Crois-tu vraiment que j'ai de la rancœur ou que je suis sombre? J'ai plus de 10 syllabes pour vous dire ce qu'il en est. Malgré tout, d'ici là, 24 mesures, ce sera pas assez. Ma poésie est restée trop longtemps discrète. Pendant ton discours, mes discours sont restés discrets. Ils disent que mon rap n'est pas commercial. Dure comme l'air du temps qui s'installe. On a des scalpels dans la bouche. On fait la guerre à nos syntaxes pour qu'elles vous touchent. Ne t'attends pas à ce que je te dise, ce que t'aimerais entendre. Ce rap sort de mes tripes, si je trahis c'est comme merde. Je risque d'agir de manière spontanée. Mais moi en quarantaine, camisole, une dose pour me calmer. Une décennie qu'on rappe au fond de nos caves. Comprends pourquoi nos sangs, nos rimes sont en mots sales. C'est fou comme le temps craint, le ciel s'est assombri. Nos âmes sont empreintes de tristesse, l'amour se t'enfuit. Pas mais je subis du plomb dans mon esprit, je m'en tape. Je donnerai tout pour sortir d'ici. On se reverra, c'est tout vu. Note mon blaze sur ta liste au chapitre des malvenus. Un matin hivernal ou un soir de carnaval. Je ferai carnage dans ta vie, d'amont jusqu'à mon aval. Dans l'art de la rancune, je n'ai aucune lacune. Et garde à l'esprit tous les responsables de mon infortune. Je cours après personne, mais j'ai des objectifs. Quand je repense à ces nuits blanches où je m'arrachais les tifs, peut-être que j'aurais dû laisser faire mes instincts. Laisser la colère exploser, laisser faire le destin. Laisser un inconnu appliquer une justice perdue. Et les laisser m'enfermer, tout ça parce que je me suis défendu. Oh, faut arrêter les conneries. Les quartiers sous contrôle, faut débarquer la cavalerie. S'ils s'en tenaient à leur job, au moins ce serait normal. Mais leurs effectifs ont plus de cow-boy qu'à hockey choral. En concert, en boîte, partout le son des boîtes. Dans tes pires cauchemars, celui où le type t'éclate. Même si tu perds la vue demain, je graverai mon nom en braille dans le creux de ta main. On se reverra un de ces jours, on y est prédestiné. On fera tomber ciel et terre désormais. Plus archaïque et FER à ne pas négliger. Ça vient nos cas, c'est pour la paix qu'on s'est unifié. On se reverra un de ces jours, on y est prédestiné. On fera tomber ciel et terre désormais. Plus archaïque et FER à ne pas négliger. Ça vient nos cas, c'est pour la paix qu'on s'est unifié.